Opinion sans phare. Aujourd'hui avec le docteur Jürg Kuoni. Lettre ouverte d'un médecin au conseiller fédéral suisse Alain Berset. Dernièrement, le docteur Jürg Kuoni a rédigé une lettre ouverte au conseiller fédéral et ministre de la Santé, M. Alain Berset. Une lettre ouverte est adressée à un récepteur dont on espère obtenir une réponse, mieux encore un changement d'esprit, grâce au contenu transmis. Mais comme il n'y a souvent ni l'un ni l'autre qui est obtenu, on publie la lettre simultanément afin d'atteindre au moins le grand public avec les faits ou les préoccupations évoquées. M. Kuoni est un médecin spécialisé en médecine générale et a des formations supplémentaires à son actif telles que la médecine du sport, de la nutrition, du stress et de la chronomédecine. Il est éditeur et co-auteur du magazine Stark Vital 60+, spécialisé dans les domaines de la responsabilité individuelle, la santé et la vie active et indépendante dans la vieillesse. Il se décrit de la manière suivante. Je suis un défenseur de faits réels et ne me gêne pas pour critiquer des mythes. Actuellement, je passe des heures à lire chaque semaine de nombreuses études, car pendant que je pratiquais encore, je n'avais pas le temps. Pour cette raison, j'arrive à d'autres conclusions que celles qui étaient transmises aux médecins par l'industrie pharmaceutique lorsque j'étais encore médecin pratiquant. Espérons que ces faits vont contribuer au débat dans la population. Écoutez maintenant la version raccourcie de la lettre ouverte, dont la version non abrégée est publiée sous l'émission en tant que script de la vidéo. Offener Brief an Bundesrat Berset. Monsieur le conseiller fédéral Berset, vous essayez par tous les moyens de me pousser à la vaccination. Il s'agit d'une vaccination contre une maladie pour laquelle il y a un risque de moins de 1% et d'un risque de mortalité se situant sur une échelle 10 pour 1000. Il semble que vous vouliez sortir la Suisse de la pandémie par des injections. J'ignore pendant combien de temps je vais encore résister à la pression. L'exclusion factuelle de la société est accablante. Je mentionne ma profession de médecin pour vous faire réaliser que je ne m'informe pas dans la presse ni sur les réseaux sociaux. Je ne suis certainement pas un antivax et le Covid, mis à part, j'ai tous les vaccins. Voici la question que je vous pose, Monsieur Berset. Êtes-vous conscient du fait que concernant les données sur cette vaccination, nous devons nous appuyer uniquement sur les informations propagées par les entreprises, puisqu'il n'y en a pas d'autres à disposition? C'est donc de la science basée sur les communiqués de presse, ce qui est inadmissible dans le domaine de la médecine. Notre savoir est limité par ce que les entreprises souhaitent nous faire savoir. Si on veut approfondir les connaissances factuelles, on doit y consacrer des heures et des heures de travail. À mon avis, aucun des membres de la Task Force ne s'est donné la peine d'examiner de manière critique les études réalisées, rédigées et publiées par les fabricants. J'ai envoyé à l'OFSP et à la Task Force des instructions sur la manière de vérifier et de calculer l'efficacité des vaccins à partir des données d'études publiées selon les critères de la médecine factuelle. Je n'ai jamais eu de réponse. Entre parenthèses, j'aimerais préciser que les entreprises BioNTech et Moderna n'ont encore jamais développé un produit commercialisable. Moderna existe depuis 2014 et BioNTech depuis 2017. Le but déclaré de ces deux entreprises était de développer des médicaments contre le cancer. Aucune des deux firmes n'avait d'expérience dans le développement des vaccins. On peut affirmer sans hésiter que Pfizer est une entreprise criminelle. Le communiqué de presse du département de la justice des États-Unis du 2 septembre 2009 indique « Le ministère de la justice annonce la plus grande sanction jamais infligée dans l'histoire de la santé publique. » Pfizer a dû s'acquitter de 2,3 milliards de dollars pour son marketing frauduleux. Concernant le vaccin Covid, Pfizer se voit de nouveau face à des reproches de manipulation des données. Des transactions judiciaires et des amendes sont monnaie courante dans le modèle commercial de l'industrie pharmaceutique. En 2011, Merck a payé 950 millions parce que le groupe avait sciemment occulté les risques encourus par le Vioxx. La fraude a coûté la vie à environ 60 000 à 120 000 Américains. En 2012, GlaxoSmithKline a payé 3 milliards d'amendes et d'indemnités pour sa publicité mensongère. Pfizer est donc en bonne compagnie. Monsieur le conseiller fédéral, vous voulez augmenter le taux de vaccination par tous les moyens. Il y a un an, ça aurait encore été concevable. Cependant, au vu de toutes les données rassemblées depuis un an, ce n'est plus un moyen envisageable pour juguler la pandémie. Les pays avec les plus hauts taux de vaccination sont ceux avec le plus haut taux d'infection et de décès. Dans le peloton de tête, il y a l'Angleterre et Israël. Entre le 1er février et le 12 septembre 2021, 63,5% des personnes décédées en Angleterre étaient doublement vaccinées. Dans les semaines 38 à 41, plus du double des admissions dans les urgences concernaient des personnes doublement vaccinées comparées aux non vaccinées. En Israël, les chiffres sont semblables. Cher Monsieur Berset, vouloir exiger le plus haut taux de vaccination possible ne semble donc pas être une stratégie qui mène au succès. Comme il a déjà été mentionné, les vaccinations ne sont absolument pas aussi efficaces que ce qui est affirmé par les producteurs des vaccins. Le virus du Covid-2 n'est que partiellement neutralisé par le vaccin et les parties résiduelles engendrent une pression de sélection. Veut survivre, il mute et le résultat est un variant. C'est de la simple biologie. Avec un booster, le problème peut être maîtrisé de manière temporaire, mais ce n'est pas une solution définitive. Chez les non-vaccinés, cette pression de sélection n'existe d'ailleurs pas. Il peut y avoir des mutations ponctuelles, mais pour le virus, il n'y a pas de raison de créer un variant. Deux conclusions logiques découlent de ces explications. Comme le groupe des non-vaccinés diminue continuellement à cause de la contrainte indirecte de se faire injecter, la pression de sélection augmente pour le virus. Il faut donc s'attendre à de nouveaux variants. Des vaccinés peuvent propager des formes résistantes du virus. Suite au vaccin, il est possible que les vaccinés infectés seront asymptomatiques, mais ils seront contagieux malgré cela. Pour terminer, voici une comparaison. Chaque année, il y a environ 9500 personnes qui décèdent suite au tabagisme. Ils perdent en moyenne 7 années de vie. En lien avec l'obésité, il y a sûrement plus de 11 000 personnes qui meurent prématurément. En 2020, la surmortalité concernait 9 000 personnes. On ne peut que faire des spéculations en ce qui concerne les années de vie perdues. Et la task force l'a fait de manière plutôt arbitraire. Comment se présenterait la statistique si on mettait en vigueur des mesures draconiennes au lieu des innombrables efforts de prévention contre le tabagisme et l'obésité? Franchement, je ne les souhaite pas. Comme je ne les souhaite pas contre les non-vaccinés. Monsieur le conseiller fédéral Berset, j'aimerais arriver à la conclusion suivante. Ce qui a été exposé ci-dessus n'est pas mon opinion personnelle, mais ce sont des faits et des chiffres. Au cas où cela vous ferait réfléchir ou au cas où vous auriez transmis cette lettre à votre task force, comme mentionné plus haut, celle-ci ne prend pas mes courriels en considération, alors cela vaudrait la peine pour moi d'avoir investi du temps dans cette lettre. Recevez, monsieur le conseiller fédéral Berset, l'expression de mes sentiments très distingués. Docteur Jürg Kuoni. Mit freundlichen Grüßen, Jürg Kuoni, Dr. Med.